J'ai pris le temps de voir l'étendoir. J'ai les yeux rivés sur cet espoir. Sur le fil, laisse-moi m'étendre. Sur le fil, laisse-moi m'attendre. J'y ai accroché mes rires et mes larmes. Quelques photos de nos retrouvailles. Sur le fil, laisse-moi m'étendre. Sur le fil, laisse-moi m'attendre. J'y vois là le reste de nos ébats. Sur le fil, laisse-moi m'étendre. Sur le fil, laisse-moi m'attendre. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Laisse-moi m'étendre sur le fil.